Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Duprès 1862. Des sacrements. Explication. Maintenant que nous en avons fini avec ce qui tient au mystère du Christ, nous allons traiter des sacrements de l'Église, qui tirent leur vertu du Verbe incarné. Nous parlerons, premièrement des sacrements en général, deuxièmement de chaque sacrement en particulier. Sacrements en général, leur nature, leur nécessité, leurs effets, la grâce, et le caractère, leur cause principale, ils sont au nombre de 7. Question 60. De la nature des sacrements. Les sacrements sont des signes. Car où un signe est un sacrement, ce qui est signifié, du signe sensible, nécessité d'une matière déterminée par Dieu, nécessité des paroles qui constituent la forme, on ne doit rien changer à la forme des sacrements. 1. Les sacrements sont-ils des signes? Saint Augustin a dit, le sacrifice visible est un sacrement du sacrifice invisible, c'est-à-dire un signe sacré. Quoique le mot sacrement puisse servir à désigner toutes les choses qui ont une sainteté invisible ou qui ont avec la sainteté une relation de causalité, de signe ou de toute autre nature, nous le réserverons pour exprimer les rapports d'un signe avec une chose sacrée. Nous pouvons conséquemment dire, dès maintenant, que les sacrements sont des signes. 2. Tout signe d'une chose sacrée est-il un sacrement? Les signes se donnent tout spécialement aux hommes, dont l'esprit s'avance du connu à l'inconnu. Cela étant, le mot sacrement convient proprement au signe d'une chose sacrée qui nous concerne. Dès lors, on peut très bien définir un sacrement, le signe d'une chose sacrée instituée pour sanctifier les hommes. Ainsi, tout signe d'une chose sacrée qui nous sanctifie est un sacrement. Note. Quelqu'un objectera peut-être qu'il résulte de notre définition que les créatures visibles, qui, selon saint Paul, font connaître les perfections invisibles de Dieu, sont des sacrements. Les créatures visibles révèlent, il est vrai, la sagesse et la bonté de Dieu, mais si elles font connaître ces divines perfections comme saintes en elles-mêmes, elles ne les représentent pas comme nous sanctifiant. C'est pourquoi elles ne sont pas des sacrements. Pour ce qui est des rites de l'Ancien Testament, on peut donner le nom de sacrement à ceux qui figuraient la sainteté de Jésus-Christ, non en tant qu'il est saint en lui-même, mais en tant qu'il nous sanctifie, par exemple, à l'immolation de l'agneau pascal, figure de l'immolation du divin agneau, par lequel nous sommes sanctifiés. Sous la nouvelle alliance, on n'appelle pas sacrement les choses qui, comme l'aspersion de l'eau bénite, signifient seulement une disposition à la sainteté, on réserve ce mot pour celles qui sont le signe de la sainteté parfaite. Fin de la note. 3. Les sacrements ne sont-ils le signe que d'une seule chose? Nous l'avons dit, les vrais sacrements sont destinés à signifier une chose sacrée qui nous sanctifie. Or, dans notre sanctification, on peut considérer la cause, l'effet et la fin. La cause, c'est la passion du Christ, l'effet, la grâce et les vertus, la fin, la vie éternelle. Les sacrements signifient tout cela, ils rappellent la passion du Christ, représentent la grâce et annoncent la gloire future. 4. Un sacrement est-il toujours un signe sensible? La parole, dit saint Augustin, se joint à l'élément, et le sacrement existe. Donc un sacrement est toujours quelque chose de sensible. Dieu pourvoit aux besoins des êtres comme il convient à leur nature. Or, il est naturel aux hommes de s'élever par les choses sensibles à la connaissance du monde spirituel. D'un autre côté, les signes conduisent notre esprit d'un objet à un autre. Si donc les choses sacrées dont les sacrements sont les signes constituent des biens spirituels qui nous sanctifient, il convenait que certains objets sensibles servissent à les exprimer. Telles les images sensibles de l'Écriture sainte nous font comprendre les vérités de l'ordre spirituel. 5. Faut-il pour les sacrements des choses déterminées? Si quelqu'un ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne saurait entrer dans le royaume des cieux. Jean 3:5. Dieu seul peut fixer les conditions de notre sanctification, il n'appartient pas à l'homme de les établir à son gré. Or les sacrements de la loi nouvelle nous sanctifient, comme le marque cette parole, « Vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés. » 1 Corinthiens 6:11. Donc on doit faire usage des choses déterminées par l'institution divine. Note. Que l'on ne dise pas que cette détermination a rétréci la voie du salut, on trouve ces choses sans peine. Fin de la note. 6. Faut-il des paroles pour la signification des sacrements? Ce mot de saint Augustin, la parole se joint à l'élément, et le sacrement existe, démontre à lui seul la nécessité des paroles pour les sacrements. Et, en effet, les considère-t-on dans le rapport avec le Verbe incarné, cause de la grâce sanctifiante, ils en prennent en quelque sorte la ressemblance par là même que notre parole ou verbe se joint à une chose sensible, car, dans l'incarnation, le verbe s'est uni à une chair sensible. Les considère-t-on dans le rapport avec les hommes qu'il sanctifie, composés d'une âme et d'un corps, nous y trouvons un remède conforme à notre nature, lorsqu'ils affectent notre corps par l'élément visible, et notre âme par la parole, au moyen de la foi. Les considère-t-on dans le rapport avec la signification sacramentelle, la parole étant le premier des signes reçus parmi nous pour exprimer les conceptions de notre esprit, il était nécessaire, afin de rendre complète cette signification, de déterminer par quelques paroles le sens des choses sensibles que l'on y emploie. L'eau, par exemple, peut également signifier une ablution, parce qu'elle est liquide, et un rafraîchissement, à raison de sa fraîcheur. Mais quand on dit « je te baptise », il est évident que l'on s'en sert pour signifier la purification spirituelle. À un triple point de vue, il fallait donc que, dans les sacrements, des paroles fussent unies aux choses sensibles. Note. Les paroles et les choses sensibles, en se réunissant, y constituent une sorte d'unité, comme la forme et la matière dans un être. Sous le mot « chose » nous comprenons aussi les actions sensibles, telles que l'ablution, l'onction, et les autres semblables. Fin de la note. 7. Faut-il des paroles déterminées pour les sacrements? Notre Seigneur a prononcé des paroles déterminées dans la consécration du sacrement de l'Eucharistie, en disant, « Ceci est mon corps. » Matthieu 28, 26. Il a prescrit à ses apôtres d'employer une formule déterminée pour le baptême, lorsqu'il leur a dit, « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Les paroles, dans les sacrements, remplissent le rôle de la forme, les choses sensibles, celui de la matière. Or, dans tous les composés d'une matière et d'une forme, le principe déterminant n'est autre que la forme, à laquelle la matière, qui doit lui être proportionnée, se rapporte comme à sa fin et à son terme, car la forme est plus essentielle que la matière à l'existence d'un être. Si donc les sacrements exigent des choses sensibles déterminées pour leur matière, à plus forte raison veulent-ils pour leur forme des paroles également déterminées. Note. On dira que les mots ne sont pas partout les mêmes. Cela est vrai. Mais, comme le dit saint Augustin, la parole opère dans les sacrements par le sens que la foi y attache, et non par le son extérieur de la voix. Or ce sens peut être le même partout, malgré la diversité des idiomes. Observons ici que l'altération des paroles rend un sacrement invalide dans deux cas. Premièrement, lorsque le ministre, la faisant indécent, ne paraît pas avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Secondement, lorsque, provenant d'une erreur ou d'une prononciation vicieuse, elle détruit totalement le sens de la formule, ce qui arrive principalement dans les altérations du radical des mots, comme dans cette locution, in nomine matris, au lieu de, in nomine patris. L'altération de la terminaison empêche plus rarement la validité du sacrement, dans la langue latine et dans la langue grecque. Elle n'influe pas autant sur la signification des mots. Si l'on disait, par exemple, « in nomine patrias et filias », cela n'invaliderait pas le sacrement. Sans doute, ces mots ainsi prononcés ne signifient rien en eux-mêmes, mais il peut arriver que, l'usage les acceptant comme signifiant quelque chose, le sens de la formule reste le même, malgré les sons. Fin de la note. 8. Peut-on ajouter quelques paroles à la forme des sacrements? Nous ne dirons pas que la forme des sacrements soit tellement invariable que l'on ne puisse, en aucun cas, y ajouter ou en retrancher quelques paroles. Les latins, par exemple, donnent le baptême avec la formule suivante. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, tandis que les Grecs disent, le serviteur du Christ, est baptisé au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Dans tous les changements que peut recevoir la forme des sacrements, il faut considérer l'intention du ministre et la signification des mots. L'intention du ministre, comme nous le dirons, est nécessaire pour conférer un sacrement. Si, en faisant une addition ou une suppression, il se propose d'introduire un rite qui ne soit pas approuvé par l'Église, le sacrement n'est pas valide, l'intention de faire ce que fait l'Église ne paraît pas exister. Les paroles opèrent dans les sacrements en vertu du sens qu'elles expriment. Si donc, par le changement qu'elles subissent, elles perdent leur signification légitime, il n'y a pas de sacrement. Il en est ainsi toutes les fois que l'on supprime un mot appartenant à la substance même de la forme sacramentelle. Dans le baptême, par exemple, la suppression de l'un des noms du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, rendrait le sacrement invalide. Mais si, retranchant seulement quelque chose qui n'est pas de la substance de la forme, on n'en détruit point le sens légitime, le sacrement existe. Dans la forme suivante de l'Eucharistie, car ceci est mon corps, la suppression du mot car n'empêcherait pas la validité du sacrement, bien que celui qui l'omettrait par négligence ou par mépris commis un péché. Ces principes s'appliquent également aux mots ajoutés. Corrompent-ils le sens de la formule, comme lorsque les Ariens disaient « Je te baptise au nom du Père, qui est plus grand, et du Fils, qui est inférieur, ils rendent le sacrement nul. Laissent-ils aux paroles leur véritable sens, le sacrement subsiste. Que quelqu'un dise, Je te baptise au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, et de son Fils unique, et du Saint-Esprit le Paraclète, le baptême sera bon. Il le sera pareillement avec cette autre formule, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que la bienheureuse Vierge t'assiste. Note. Les paroles ajoutées ou retranchées sans préjudice pour le sens nécessaire ne détruisent pas le sacrement. Leur interruption, lorsqu'elles n'arrêtent pas l'intention de celui qui les prononce et qu'elles n'empêchent pas de les comprendre, n'en détruit pas non plus la validité. Il en est de même des transpositions qui n'altèrent pas le sens de la formule. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.